21e chapitre. Don Brisé émigre avec sa famille. La beauté de la saison où se termine le printemps et s'amorce l'été agissait pareillement sur Kazan et sur Louve Grise. La soif les prenait aussi de se remettre en route et de s'en aller vagabonder par le vaste monde. Cette volupté d'errer reprend infailliblement les bêtes à fourrure et les bêtes à crocs du Wild, aussitôt que les petits de la portée et du printemps, pour s'en aller de leur côté, les ont quittés. Par une nuit admirable, baignée de lune et d'étoiles, le chien-loup et la louve aveugle abandonnèrent à leur tour l'arbre creux et entreprirent de remonter vers les montagnes de l'ouest, la vallée qui aboutissait au marais. Jour et nuit, ils chassaient, marquant leurs pistes derrière eux d'innombrables carcasses à demi dévorées de lapins et de perdrix. C'était en effet la saison du plaisir de tuer et non celle de la faim. À 10 000 à l'ouest, ils tuèrent un jeune faon. Ils l'abandonnèrent également après un seul repas. Longuement, ils se chauffaient au soleil et devenaient de plus en plus luisants et gras. Ils trouvaient peu de gêne avec les autres animaux. Il n'y avait pas de lynx dans la région, insuffisamment boisée pour plaire aux gros chats, ni de loups. Le chat pêcheur, la martre et le vison abondaient le long du torrent, mais n'étaient point dangereux. Un jour, ils rencontrèrent une vieille loutre. C'était en son genre un géant de l'espèce, dont le poil tournait avec le proche été au gris sale. Kazan, paresseux et repu, la regarda négligemment. Louve Grise humait dans l'air la forte odeur de poisson que dégageait la bête. Cet être aquatique ne les intéressa pas plus qu'un bâton qui s'en serait allé à la dérive au fil de l'eau. Ils continuèrent leur chemin sans se douter que cette grosse créature, d'aspect stupide, à la queue noire comme du charbon, allait bientôt devenir leur allié dans une de ces batailles haineuses et sans merci, comme ils s'en livrent entre les hôtes du Wild. Lutte tragique qui se termine par la seule survivance du plus fort et qui n'ont pour témoin que le ciel impassible et muet où leurs souvenirs se disséminent au vent. Aucun homme n'était venu depuis plusieurs années dans cette partie supérieure de la vallée, et une colonie de castors y prospérait en paix. Le chef de la colonie était un vénérable patriarche qu'un Indien, en sa langue imagée, n'eût pas manqué de baptiser Don Brisé, car une des 4 et longues incisives dont se servent les castors pour abattre les arbres destinés à la construction de leurs digues était brisée chez le vieux père. Il y avait 6 ans que Don Brisé était arrivé en cet endroit avec quelques autres castors de son âge et qu'ils avaient ensemble construit leur première digue et leur première hutte. En avril suivant, la femelle de Don Brisé lui donnait 4 bébés castors et chacune des autres mères castors avait pareillement accru la population de la petite colonie de 2, 3 ou 4 membres nouveaux. Si cette première génération avait suivi la loi ordinaire de l'espèce, elles se seraient, au bout de 4 ans, appariées entre elles et auraient quitté la colonie pour aller en fonder une autre. Mais elle se trouvait bien où elle était et y demeura. Elle procréa sur place, si bien que maintenant on eût dit le grouillement serré de la population qui s'entasse dans une ville assiégée. La colonie, cette 6e année, comptait 15 huttes et plus de 100 citoyens, avec en surplus la dernière portée de jeunes castors de mars et d'avril. La digue qui retenait les eaux du torrent s'était allongée au point d'atteindre 200 yards. L'eau débordée couvrait une vaste étendue de sol, transformée en étang, et d'où émergeaient bouleaux, peupliers, aulnes et saules, à la tendre écorce et aux pousses vertes. Quelle que fût la surface couverte par l'eau, cette pitance ordinaire des castors était devenue insuffisante pour la nourriture des huttes surpeuplées. On ne voyait plus partout qu'arbres et arbrisseaux rongés jusqu'à l'aubier. Retenus comme l'homme par l'amour du foyer natal, les castors n'avaient pu se décider encore à émigrer. La hutte de dents brisées mesurait intérieurement 8 à 9 pieds de diamètre, et dans cet étroit espace vivaient enfants et petits-enfants au nombre de 27. Aussi, le vieux patriarche s'était-il résolu à abandonner sa tribu pour s'en aller ailleurs chercher fortune. Tandis que Kazan et Louve Grise reniflaient négligemment les fortes odeurs qu'exhalait la ville des castors, Dent Brisé ralliait justement et faisait ranger autour de lui sa famille, c'est-à-dire sa femelle, deux de ses fils et leur progéniture, pour l'exode. Dent Brisé avait toujours été le chef reconnu de la colonie. Aucun autre castor n'y avait jamais atteint sa taille et sa force. Son corps épais était long de 3 bons pieds et pesait dans les 60 livres. Sa queue plate mesurait 5 pouces de large sur 14 de long, et lorsqu'elle frappait l'eau par une nuit calme, on pouvait à 1 mille de distance entendre la résonance du coup. Ses pattes de derrière, largement palmées, étaient grosses 2 fois comme celles de sa femelle, et aucun nageur de la colonie ne pouvait lutter de rapidité avec lui. La nuit qui suivit, tandis que Kazan et Louve Grise continuaient leur course le long du torrent, Dent Brisé sortit de l'eau, grimpa sur la digue, se secoua et regarda si toute sa smala était en ligne. L'eau de l'étang, qui, sous la nuit claire, était toute piquée d'étoiles, se ridait derrière lui, de corps qui nageaient et qui vinrent le rejoindre sur la digue. Quelques autres castors s'étaient joints à lui et à sa famille. Quand tout le monde fut réuni, le digne patriarche piqua une tête dans le torrent, du côté opposé à l'étang, et les corps soyeux et luisants des émigrants commencèrent à descendre le courant. Les bébés de 3 mois nageaient comme leurs parents et avaient grand-peine à ne pas se laisser distancer. Dent Brisé fendait l'eau le premier superbement. Derrière lui venaient les castors adultes. Les mères et les enfants formaient l'arrière-garde. Il y avait 40 têtes au total. Durant toute la nuit, le voyage se continua sans incident. La grosse loutre, cachée dans un épais bouquet de saule, laissa, sans s'attaquer à elle, passer la caravane. Par une curieuse prévision de la nature, qui voit souvent au-delà de notre compréhension humaine, la loutre est la mortelle ennemie de la race des castors, et plus redoutable pour elle que ne l'est l'homme même. Mangeuse de poissons, elle veille en même temps à ce que l'espèce n'en soit point anéantie. Un instinct secret lui a sans doute appris que les digues élevées par le castor, coupant le flux naturel des rivières et des torrents, entravent la course naturelle du poisson au moment du frais. Incapable de se mesurer, elle seule, contre les tribus nombreuses de ses ennemis, elle travaille en sourdine à détruire leurs ouvrages. Comment elle s'y prend, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Plusieurs fois durant la nuit, Dent Brisé s'était arrêté de nager pour examiner la berge, constater s'il y rencontrait assez d'arbres aux écorces tendres et décider s'il convenait de faire halte. Mais ici, ces écorces étaient insuffisamment nombreuses. Là, c'était l'endroit qui n'était point propice à la construction d'une digue, et l'on sait que l'instinct d'ingénieur des castors l'emporte même sur l'attrait de la nourriture. Toute la troupe s'en rapportait sur ce point au jugement de Dent Brisé, qu'elle ne discutait point, et personne ne songeait à demeurer en arrière, tandis qu'il continuait à avancer. Au premier feu de l'aube, on arriva à la partie du marais où Kazan et Louve Grise avaient élu domicile. Par droit du premier occupant, le terrain de l'îlot et celui qui l'avoisinait appartenaient sans conteste au chien loup et à la louve. Partout, ils avaient laissé des marques de leur emprise. Mais Dent Brisé était une créature aquatique, et son flair, qui d'ailleurs n'était pas très fin, n'avait cure des créatures terrestres. Il s'arrêta juste en face de l'arbre creux qui avait servi de gîte à Louve Grise et à Kazan, et grimpa sur la rive. Là, il se dressa tout droit sur ses pattes de derrière et, s'appuyant sur sa large et lourde queue, se mit à se dandiner en signe de contentement. le lieu était idéal pour y établir une colonie. En coupant d'une digue le torrent un peu au-dessous de l'îlot, celui-ci serait facilement inondé avec sa provision de peupliers, d'aulnes, de saules et de bouleaux. Un rideau d'arbres épais coupait le vent du côté du nord et promettait pour l'hiver une température clémente. Dent Brisé fit aussitôt comprendre à la troupe que c'était ici qu'il convenait de se fixer. Ce fut à qui se hâterait d'escalader l'îlot et les berges qui lui faisaient face. Les bébés castors commencèrent incontinent à grignoter les écorces qui leur tombaient sous la dent. Les castors adultes, après quelques bouchées, se mirent au travail sans plus tarder et, sous la direction de Dent Brisé, entamèrent le jour même leur œuvre de constructeur. Dent Brisé, ayant jeté son dévolu sur un gros bouleau qui s'élevait en bordure du torrent, entreprit de le sectionner par la base. En dépit de sa dent perdue, le vieux patriarche savait faire bon usage des trois qui lui restaient et que l'âge n'avait point détérioré. Les dents du castor sont tranchantes comme autant de ciseaux d'acier, un dur émail qui ne s'écaille jamais les recouvre extérieurement. Du côté intérieur, elles sont formées d'un ivoire plus tendre qui, au fur et à mesure de son usure, se renouvelle d'année en année. Assis sur son train de derrière, ses pattes de devant appuyées contre le tronc d'arbre et bien en équilibre sur sa queue où il s'arc-boutait, Dent Brisé taillait autour du tronc une bague qui allait peu à peu en s'amincissant. Il travailla plusieurs heures durant, et quand enfin il s'arrêta pour se reposer, un autre ouvrier se mit à la tâche. D'autres castors adultes, durant ce temps, coupaient de moindres arbres. Ce fut un petit peuplier qui, avec grand fracas, s'abattit le premier dans l'eau. Le gros bouleau, qui, à la base, prenait la forme évidée d'un sablier, fut plus long à faire choir. 20 heures y furent nécessaires. Alors il tomba en travers du torrent, à la place exactement qui lui avait été assignée. Au cours de la semaine qui suivit, la tribu ne prit que fort peu de repos. Si le castor, en principe, préfère travailler la nuit, il s'accommode également s'il est nécessaire de travailler le jour. Avec une intelligence presque humaine, les petits ingénieurs étaient attelés à leurs tâches. Beaucoup de jeunes arbres furent abattus et sectionnés en longueur de 4 à 5 pieds. Ces bûches étaient ensuite roulées jusqu'au torrent, les castors les poussant de la tête et des pattes, et venaient buter contre le gros bouleau entremêlé de broussailles et de menues branches qui jouaient le rôle de fascines. Lorsque la charpente de la digue fut ainsi achevée, le cimentage commença. Les castors sur ce point sont les maîtres des hommes, et ce qu'ils construisent, la dynamite seule peut le faire sauter. Triturant et apportant sous leur menton replié en forme de poche un mélange de boue et de brindilles végétales d'une demi-livre à une livre par chargement, ils s'étudiaient à obturer, à l'aide de ce mortier, tous les vides qui subsistaient dans leur charpente, entre les troncs et les fascines. C'était, semble-t-il, une tâche colossale. Mais les constructeurs de Dent Brisé pouvaient, en 24 heures, transporter une tonne de leur ciment. Après le troisième jour, le barrage commençait à fonctionner, l'eau à monter et le torrent à s'épandre de droite et de gauche. Ceci rendait désormais le travail plus facile et les matériaux de construction étaient manœuvrés plus aisément, les castors les faisant flotter sur l'eau. Les bûches s'accumulaient les unes à la suite des autres, et la digue ne tarda pas à s'étendre sur une longueur d'une centaine de pieds. La tribu en était là de son travail quand, un beau matin, Kazan et Louve Grise s'en revinrent vers leur domicile.